Chapitre 7e. Les propos de Bazar. Après le départ de Cherumal, le vieux jardinier, en proie au désespoir, s'était mis à redemander sa fille à tous les arbres de l'enclos. Une lampe à la main, il courait à travers les cocotiers et fouillait les buissons comme un avare qui a perdu son trésor. Des larmes coulaient sur sa barbe grisonnante, des mots incohérents s'échappaient de sa bouche. Il avait l'air d'un fou, et cependant ni ses gestes extravagants, ni son allure grotesque, n'eussent provoqué le sourire sous les lèvres du passant, car rien n'est triste comme de voir pleurer un vieillard. Il est vrai que sa douleur devait être de courte durée. Fier du fardeau qu'il portait, l'éléphant Soubala ramenait d'un pas majestueux, par les sentiers déserts, la belle Malika arrachée au bras de l'arabe. Cherumal était heureux de la rendre à son père et d'avoir eu si vite l'occasion d'acquitter la dette de la reconnaissance. Il la tenait assise devant lui sur le cou de l'éléphant, sans l'interroger sur les dangers qu'elle avait courus. D'une main attentive, il écartait de son visage les branches d'arbres qui pouvaient l'atteindre et respectait son silence. Elle lui inspirait un attachement trop sincère pour qu'il lui parlât de son amour en un pareil moment. Il était presque honteux pour Malika de la trouver si muette et désarmée, elle qui s'était plu souvent à le confondre et à le décontenancer par ses saillies. Quand il l'aperçut de loin le vieillard, sa lampe posée sur la margelle du puits, assis à terre dans un morne chagrin, Cherumal se pencha vers la jeune fille. « Malika, lève la tête, parle, que ton père entende le son de ta voix. » La jeune fille, comme si elle se fût éveillée d'un rêve, se redressa lentement. « Tu es sauvée, Malika, » reprit le Mao. « C'est moi, ne crains rien. Je t'ai enlevée à celui qui t'avait prise. » « Et qui t'a dit qu'il m'emmenait de force ?» répliqua la jeune fille avec l'accent du reproche. Le pauvre Cherumal ne s'attendait point à cette réponse. Il comprit que désormais Malika devait le haïr, lui qui était si maladroitement intervenu dans une affaire qui ne le regardait pas. Tout le chagrin qu'il épargnait au vieillard retombait sur son propre cœur. Cependant, il lui restait le sentiment d'avoir accompli une bonne action et il ne se repentait pas trop de son zèle indiscret. « Mon père, dit-il au vieillard, voici votre fille. Priez-la de me pardonner, j'ai cru bien faire. » Le vieux jardinier se livrait aux élans d'une folle joie, et il ne comprit point le sens de ses paroles. Pleurant et riant à la fois, il caressait son enfant chéri. « Descends donc » criait-il à Cherumal, qui s'éloignait. « Viens, mon fils, mon bon Cherumal. C'est à Malika de te remercier à son tour. Tu m'as rendu la vie, Mao. Tout ce qui m'appartient est à ton service. » Mais l'Indien disparut dans les ténèbres sans répondre. Le lendemain, on parla beaucoup dans la ville d'Alep du naufrage du Baguero. Les uns disaient que le Nakoda, par une fausse manœuvre, avait jeté son navire à la côte. D'autres prétendaient que l'équipage révolté avait égorgé le capitaine et perdu le bâtiment pour effacer toute trace du crime. Quelques commères affirmaient aussi que le Nakoda n'était pas mort. On l'avait vu galoper du côté de Cochin sur un cheval ailé, tenant dans ses bras une belle fille d'Alep qui l'enlevait. C'était ainsi que, de chacun des éléments qui avaient concouru au dénouement de cette mystérieuse aventure, la rumeur publique composait une histoire fausse ou invraisemblable. Ces bruits arrivèrent bientôt aux oreilles de Malika avec tous leurs commentaires, et elle se gardait de rien dire. Ce monde indifférent et jaseur qui parlait autour d'elle se montrait si peu disposé à excuser un moment de faiblesse. Pendant quelques mois, elle resta dans son jardin, partageant ses journées entre ses travaux accoutumés et les soins attentifs dont elle entourait son père. Le vieillard, qui ne soupçonnait point sa fille d'avoir cédé à un faux entraînement, l'entretenait souvent des ennuis et des chagrins qu'elle eût éprouvés dans la maison de l'arabe. Ses paroles impressionnaient d'autant plus Malika qu'elle reconnaissait la complète sincérité. Peu à peu, la jeune fille en vint à se demander si la politesse réservée, si les manières distinguées et fières de l'étranger qui l'avait tant charmée, ne cachait pas plus d'égoïsme et d'orgueil que de discrétion et de dévouement. Cette question, elle se promettait bien de l'éclaircir quand le Nakoda reviendrait à Alep. L'année suivante, comme il ne paraissait point à l'époque accoutumée, elle jugea qu'il l'avait abandonnée pour toujours. Quant à la nouvelle de sa mort, Malika n'y pouvait ajouter foi. Un mystérieux prestige entourait toujours à ses yeux celui qu'elle avait un instant accepté pour maître. Elle s'en tenait au récit qui représentait Youssouf fuyant avec une femme préférée. Ainsi, la réflexion aidant, l'absence qui adoucit les regrets se mêlant à la jalousie, la fille du jardinier laissa échapper de ses lèvres l'aveu de son étourderie. elle raconta tout à son père. C'est assez dire qu'il ne lui restait plus d'illusions. De son côté, le Mahoucherumal n'avait pas eu l'indiscrétion de trahir un secret qui était en partie le sien. Pouvait-il divulguer les circonstances de la fuite de Malika sans montrer qu'il avait joué ce soir-là le rôle de dupe? D'ailleurs, l'honnête Mao n'était point de ceux qui se vengent des railleries d'une jeune fille par la trahison. Il fit mentir le méchant proverbe espagnol qui dit « Nada más atrevido que el amor despreciado ». Rien de plus effronté que l'amour méprisé. Bien que Malika l'eût mal accueilli souvent et repoussé avec dureté le dernier jour, il ne cessait de penser à elle. Depuis qu'il ne la voyait plus, la tristesse s'était emparée de lui et Subala avait de fréquents accès de mauvaise humeur. Un jour qu'il passait à une petite distance de la demeure du vieux jardinier, Cherumal se laissa aller à la rêverie, si bien que l'éléphant s'approcha sournoisement du jardin et, apercevant Malika, s'arrêta pour lui faire un selam. Subala, dit à demi-voix Malika, tu m'as tiré d'un grand péril. Mais ce n'est pas à toi seul que je suis redevable, c'est à ton maître aussi. Cherumal ouvrit les yeux et redressa la tête comme l'oiseau qu'éveille dans les ténèbres la douce clarté du jour. Il vit que Malika portait à son cou le collier de corail. Tu m'as donc pardonné ? Demanda-t-il avec empressement. Mon père, dit la jeune fille en appelant le vieux jardinier, venez parler à Cherumal. Il n'ose me regarder en face de peur que je ne lui jette un sort. Ah, Mao, s'écria le vieillard. À ton âge, j'étais plus hardi. En fait de charme, celui qui émane de deux beaux yeux est le plus puissant, car il peut seul guérir le mal qu'il a fait. Approche donc. Tu vois bien que Malika t'a pardonné tout, jusqu'au service que tu lui as rendu. À la grande joie du vieux jardinier, Malika consentit donc à mieux accueillir l'honnête et fidèle Cherumal. Depuis ce jour, le Mao recouvra sa gaieté et Subala n'eut plus de caprices. Si par hasard vous allez à Alep, vous remarquerez sans doute un bel éléphant qui excelle dans l'art de faire des courbettes. C'est lui, c'est ce même Subala. Quand il y a au caravansérail d'Alep des étrangers de distinction, il s'y présente, conduit par son Mao Cherumal, dont la face réjouie ne porte plus la trace des peines passées. Sur un signe de son maître, le docile animal enlève et pose à califourchon sur sa trompe deux ou trois marmots fort éveillés qui semblent jouer avec lui comme avec un ami. Après les avoir balancés dans les airs avec précaution, il les dépose l'un après l'autre entre les bras de leur mère, qui n'est autre que la belle Malika. Ainsi s'achève Cherumal le Mao, récit de la côte de Malabar, de Théodore Pavie.